m'a su le cœur, mais prends l'engagement. Si vous dire moi oui pour la vie, pourvu que mon rêve en beauté y finit. Et c'est même en douce enlacée, comme fiancé sous le voile à mariée. Promis, juré, garanti, devant témoin la mairie, la pago doit pour tout le temps. Dans la salle verte embellie, mi donna ou pour la vie, mon nom si vous y pas non. Sous la couverte à l'abri, l'homme nous dit qu'à s'agrandir, m'en a comme pressentiment. Que petit à petit dans le temps, le bel amour va grandir si nous change plus d'avis. Si vous dites moi oui pour la vie, dis ça doucement dans ton cœur m'y entend. Si vous les sincère moi aussi, cause pas d'envie de parle pas dans le vent. Si vous dites moi oui pour la vie, si vous dites oui de oui Marie. Pour tout le temps, dans la salle verte embellie, mi donna ou pour la vie, mon nom si vous dites pas non. Sous la couverte à l'abri, dans nos petites cases agrandies, m'en a comme pressentiment. Que petit à petit dans le temps, le bel amour va grandir si nous change plus d'avis. Dans ton cœur m'y entends.